pris sur le vif. Écoutez. Allô, la clinique du parc? Oui. Est-ce que Madame Duban peut recevoir des visites? Mais bien sûr. Comme j'ai quelques courses à faire dans le quartier en fin d'après-midi, j'aurais voulu savoir jusqu'à quelle heure les visites étaient autorisées. Les malades peuvent recevoir des visites tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Répétez. Allô, la clinique du parc? Oui. Est-ce que Madame Duban peut recevoir des visites? Mais bien sûr. Comme j'ai quelques courses à faire dans le quartier en fin d'après-midi, j'aurais voulu savoir jusqu'à quelle heure les visites étaient autorisées. Les malades peuvent recevoir des visites tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Écoutez. Tu viens prendre un pot à la maison ce soir? Mon frère arrose son permis de conduire avec quelques copains. Ça tombe mal. Des gars avec qui j'ai passé toutes mes vacances doivent passer. Ils sont sympas? Des gars terribles. Alors amène-les, on rigolera un peu. Répétez. Tu viens prendre un pot à la maison ce soir? Mon frère arrose son permis de conduire avec quelques copains. Ça tombe mal. Des gars avec qui j'ai passé toutes mes vacances doivent passer. Ils sont sympas? Des gars terribles. Alors amène-les, on rigolera un peu. Écoutez. Allô, Madame Coquelet? Oui. Bonsoir, ici Alice Cordina, comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que nous pouvons passer vous faire une visite demain dans l'après-midi? Je voudrais vous présenter mon ami américain, qui est de passage pour quelques jours à Bourges. Je serai ravie de faire sa connaissance. À demain. Venez donc de bonne heure, comme ça nous aurons le temps de bavarder. Répétez. Allô, Madame Coquelet? Oui. Bonsoir, ici Alice Cordina, comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que nous pouvons passer vous faire une visite demain dans l'après-midi? Je voudrais vous présenter mon ami américain, qui est de passage pour quelques jours à Bourges. Je serai ravie de faire sa connaissance. À demain. Venez donc de bonne heure, comme ça nous aurons le temps de bavarder.